Bonjour et bienvenue à cette sortie culturelle au Mondo Carnaval. Je suis Robert Boisclair et je serai votre animateur pour les prochaines 90 minutes avec plein de rencontres, d'interviews et de découvertes autour de ce festival. Si vous entendez plein de bruit autour, c'est tout à fait normal parce que comme je le mentionnais, nous sommes en direct, nous sommes au lieu historique national Quartier Brébeuf à Limoilou. Il y a plein d'activités qui se déroulent actuellement. Alors venez nous rejoindre, festoyer avec nous et découvrir ce festival des couleurs et des cultures en fête qui regroupe les Québécois de toute origine et qui se déroule du 1er au 3 septembre. C'est déjà la 5e édition du Mondo Carnaval, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui est un événement festif des cultures de Québec sous le thème cette année de Voyage aux Caraïbes avec la Guadeloupe comme pays vedette. Et je vous promets une petite surprise à peu près au milieu de l'émission puisque nous aurons un mini spécial Guadeloupe. On parlera de la Guadeloupe, mais on parlera également des artistes de cette région avec quelques-uns d'entre eux qui seront avec nous. Donc, allons-y tout de suite avec nos premiers invités pour nous parler de cette 5e édition, de ces 45 spectacles, 42 pays qui sont à l'honneur et des 800 artistes. Oui, 800 artistes, c'est vraiment beaucoup. Je reçois la directrice générale qui va se joindre avec nous dans quelques instants. Elle est quelque part en retard, elle est quelque part sur le site en train de préparer des choses. Et je suis également en compagnie du responsable de la programmation, Patrice Agbou. Beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Très, très bien. Bon, parfait. Alors, parlons-en de cette nouvelle édition. Ça fait déjà 5 ans. Est-ce que, parce que je le disais tout à l'heure, 45 spectacles, 42 pays, 800 artistes, ça ne doit pas être facile de préparer une programmation pour ce genre d'événement? Écoutez, on est toujours en train de mettre les choses en place. C'est commencé. Il y a quand même pas mal de monde ici. On est vraiment contents. Là, c'est ça, on est encore en train d'éteindre des feux, comme on dit. Oui. Donc, là, c'est ça, je suis de passage pour en parler un peu. Je suis vraiment excité de tout ça. Oui. Oui, on a des gens, justement, de Guadeloupe, de Martinique. Ici, justement, au Québec, il y a tellement de diversité que je pourrais en parler pendant une heure de temps. Mais... Oui. On a des gens d'un peu partout. D'ailleurs, on a Flavia Nascimento qui est avec nous et qui est une des co-porte-parole avec Byron Michaeloff. Pour cette édition. Vous êtes du Brésil, vous, je crois, originellement? Oui. Oui. Sherbrooke. Oh my God. Vous voyagez à travers le monde, après le Brésil, Québec et Sherbrooke, c'est vraiment le monde au grand complet que vous faites. Ah, bien sûr. Ouais. Hein, je te dis, c'est tout un monde à découvrir ici. Oui. Il y a également Byron Michaeloff. Est-ce que je le prononce correctement? Parce que je ne suis jamais trop certain comment prononcer votre nom de famille. En fait, c'est Michaeloff. Michaeloff. Mais ils ont même modifié le nom parce que c'est Michaeloff. Il y avait une petite saleté dans le nom, fait qu'il fallait le nettoyer un peu. Il y a les lettres qui n'existent pas. En bref, je suis parti ukrainien, polonais et autrichien. OK. Et vous êtes aussi, d'une certaine façon, du Québec également, parce que vous avez été longtemps à Québec. Mais ça, on pourra en parler tout à l'heure avec d'autres invités, parce que vous avez fait de beaux passages à Québec. Vous avez développé, on peut dire, d'une certaine façon, votre art à Québec. Mais parlons un petit peu de la programmation. Comment est-ce qu'on prépare ça? Parce que 800 artistes, là, c'est pas évident à trouver. Écoute, on prépare ça avec beaucoup de gens qui croient en nous, tu sais, comme Byron qui te sait. Oui, c'est parce que. Oui, juste un instant, c'est parce qu'on a Doina Balzac qui s'est joint à nous, parce que comme vous étiez en retard, je me suis permis d'inviter les deux co-porte-parole. Donc... C'est très bien. Parfait. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous êtes l'initiatrice de ce festival. On va juste terminer avec Patrice qui avait commencé à nous parler, mais après, on va parler de la création du festival. Alors, continue, Patrice. Ben, justement, c'est beaucoup de monde. Il y a Michael et Christophe aussi qui fait partie, Doina, moi-même. On a une bonne équipe qui, justement, on essaie de rencontrer des gens d'un peu partout pour faire cette programmation-là. Donc, ça s'est commencé depuis septembre, quand le festival est fini. On commence déjà à programmer pour l'année d'après. Et puis, bon, c'est ça. Là, on est chanceux. On est vraiment... Il y a beaucoup de monde qui croit en nous. Tiens, aussi au Québec. Bon, il y a beaucoup de diversité donc, qu'on ne connaît pas encore tout à fait. Fait qu'on est bien contents de pouvoir démontrer ça ici, puis il y a beaucoup de monde qui vient à notre aide. Oui, qui vient au festival. Ouais. Donc, mais comment est-ce qu'on les choisit? Parce qu'il y a des artistes, je pense à Byron Michaeloff. Ouais. Est-ce que je prononce correctement cette fois-ci? C'est bien cette fois-là. Ou Flavia Nascimento, qui font des spectacles un peu partout. Comment est-ce qu'on sélectionne puis qu'on réussit à aller chercher des noms comme ça pour venir à cet événement? Ben écoute, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe ici au Québec, puis aussi à l'extérieur, on voit des places comme le WOMEX aussi, des foires internationaux qui se passent, et puis on va chercher pas mal de monde, mais ouais. Ici, c'est ça, disons que c'est juste des coups de cœur aussi. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est la première fois que vous venez, Byron et Flavia, est-ce que c'est la première fois que vous venez à cet événement-là? Est-ce que vous l'avez déjà vécu autrefois? Mais il faut le dire, souvent les artistes, ça fait une semaine-là, on joue souvent ailleurs. Oui. C'est ça, c'est la première fois que je peux être à Québec depuis longtemps. Ça fait une semaine ici en ville. Oui, oui. Fait que oui, c'est la première fois que je vais visiter le festival. Je le suis un peu par les réseaux sociaux puis les journaux. Puis ouais. Je trouve que c'est très festif, coloré. Ouais. J'aime beaucoup qu'est-ce que ça dégage. Ouais. Fait que c'est un grand honneur d'être là cette année. Ouais. Et pour vous, Flavia? Alors, je suis la presque la maman. Ah oui? Je viens être la marraine. Je suis là depuis le premier. Ouais, j'ai été là pendant 5 années. Est-ce que vous avez participé à la création d'une certaine façon? Hey, je me souviens la première fois que Doina m'a appelé et dit hey, « j'ai pensé à cette idée. Est-ce que ça tente-tu d'être dans l'organisation? » J'ai dit « Wow! » J'organise déjà Flaviana Smith. C'est trop pour moi, mais j'ai dit « J'ai quelqu'un, une fille brésilienne très bonne pour ça. » Ouais. Mais tu sais, d'une certaine façon, c'était quelque chose qui manquait à Québec. Depuis mes 15 ans ici, on avait envie qu'il y ait une place, un moment de vraiment rajouter tous ces gens qui faisaient déjà ça un peu, chacun de son côté. Oui. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est un succès. Là. Mais oui, Byron. On voit bien la diversité sur le niveau... L'aspect de diversité à Québec, oui. Là, ça change beaucoup. Moi, j'ai remarqué dans les... Puis pour une belle raison, je trouve. J'ai un bon exemple. Je suis membre des jardins communautaires à Beauport. Oui. Et on voit qu'il y a beaucoup de nationalités, puis des gens qui cultivent des légumes dans des façons différentes que d'autres. Puis c'est une belle opportunité. Puis je pense qu'il faut présenter Québec comme on a une ville multiculturelle en devenir. J'ai remarqué une différence depuis 5-6 ans, énormément. Oui, c'est bien. Oui, Patrice. Justement, on est chanceux d'avoir justement quelqu'un comme Doina qui vraiment elle s'implique beaucoup avec les différentes communautés ici. Donc, t'as vraiment besoin de quelqu'un comme ça qui sait vraiment qu'est-ce qui se passe ici dans la ville et puis qui est vraiment impliqué avec les gens. Donc, c'est ça, on est vraiment chanceux d'avoir quelqu'un comme elle qui pense que moi, en tant que directeur artistique, ben, je veux dire, moi, c'est ça que je fais à l'année longue. Donc, en tant que... agent, gérant, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choix. Et puis moi, c'est ça, c'est quand j'ai commencé à travailler avec Joël Doina, c'est ça, j'avais déjà plusieurs artistes que j'avais en tête pour participer à ça. Ouais. Donc, nous voilà avec Doina qui pourrait nous en parler un peu plus parce que c'est elle la fondatrice de ça. Alors, Doina, vous avez en quelque sorte créé l'événement. D'où est venue l'idée de créer un événement comme ça pour rassembler d'une certaine manière les différentes communautés là, qu'on retrouve à Québec et un petit peu partout au Québec? Ben c'est tout simplement à partir des rencontres que j'ai pu faire tout le long de mon existence. Ouais. Et le fait de ma double nationalité, de ma double triple, parce que maintenant je suis roumaine, je suis française, puis je suis québécoise. Donc mes voyages en Afrique, là, aux Antilles, donc tout ça, ça a fait un amalgame de projets, un amalgame de rencontres, d'échanges, de partages. C'est vrai que c'est une belle occasion de se rencontrer, parce que quand on se promène à Québec, parfois, on va rencontrer occasionnellement des gens de différentes communautés, mais vraiment très, très, très aléatoirement et mais pas très souvent. Justement, c'est pas juste une rencontre, parce qu'il faut se donner les moyens de se parler, de se rencontrer. Oui, on se rencontre, on se croise, mais aujourd'hui, dans notre quotidien, on se parle plus. On ne fait que juste se croiser. Donc, créer un événement où les gens peuvent se rencontrer, mais se parler de vive voix et puis échanger. Ouais. Je pense que c'est très important. De nos jours, on vit une époque qui n'est pas vraiment facile, où les gens, chacun vit son existence, son quotidien. Donc, créer ces moments de partage et d'échange, c'est très important. Oui, c'est ça. Et de mieux se comprendre, de se connaître, d'apprendre à avoir un regard différent sur l'autre aussi et de connaître c'est quoi les différences, mais surtout, je pense, ce qui nous unit, les choses qui sont semblables. Justement, on parle beaucoup trop de différences. Oui. On a beaucoup de choses qui nous rassemblent, qui nous unissent beaucoup plus que les différences. Ouais. On a tellement de choses en commun. Tous les continents, si on met bout à bout toutes les choses qui nous réunissent, je pense que les différences resteraient toutes minces, toutes minces. Oui, c'est exactement ça. Puis j'ai vu une super image dernièrement sur les réseaux sociaux qui avait une coco blanc puis une coco brun noir. Puis il casse les cocos puis il regarde qu'est-ce qui est dans l'intérieur des cocos. C'est tout pareil. Puis je trouve que c'est une image qui est super facile à comprendre. Puis quand tu fréquentes des gens de beaucoup de cultures, tu apprends beaucoup de choses, tu crées des amitiés. Puis c'est ça qu'il faut mettre l'effinance sur l'intérieur, pas l'extérieur. Oui, c'est effectivement. Patrice, on va parler un petit peu de la programmation, peut-être aussi un petit peu d'Oina, parce que oui, il y a des spectacles musicaux, dansés, mais c'est plus que ça. C'est pas juste des spectacles. Oui. Même les spectacles que vous voyez sur la scène, c'est des moments de rencontre. Mm. Les artistes profitent aussi bien que le public. Hein. Par la suite, les gens se rencontrent. Ouais. Donc, j'aimerais juste faire le tour un petit peu de ce que les gens, le public peuvent retrouver aujourd'hui. On va parler du chapiteau des cultures, donc les différents pays qui sont représentés avec des kiosques de présentation. Hein. Le chapiteau de la diversité, nous allons avoir différents ateliers avec des horaires de création qui sont offerts par la Maison des métiers d'art. Donc chaque personne qui va venir faire sa création, c'est une petite tortue en céramique qui va être... créé ici. Mm-hmm. Ensuite, les personnes vont pouvoir les ramener chez eux. Le triptyque de la diversité. Ah, triptyque, j'aime ça. Voilà. Mm. Donc, c'est une triple toile où les artistes peintres, quatre artistes peintres vont faire des créations. Et ensuite, par la suite, le public pourra nous faire des vœux qui concernent la diversité culturelle, comment ils voient notre ville, notre monde. Donc ces messages-là vont être transposés sur les toiles par les artistes créateurs. Mmh. Aussi dans le chapiteau de la diversité, vous allez pouvoir rencontrer différents artistes qui vont exposer des toiles. Oui. C'était des artistes peintres, une exposition des peintures. Ensuite, vous allez faire le tour du monde à travers les papilles, hein, parce que les papilles, ça en fait partie des rencontres. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut faire des dégustations, tout découvrir différentes choses. Donc, je pense que vous allez pouvoir faire vraiment le tour du monde culinaire à travers les différents restaurateurs qui sont présents sur place. Donc, beaucoup de découvertes, beaucoup de saveurs qui vont être à votre disposition. Mm. Prenez votre courage à deux mains, allez à leur rencontre et partagez-les. Oui. Donc, ça sent bon, hein? Oui, j'ai fait la journée qui est bon. Mais il y a aussi, il faut en parler, il y a un défilé aujourd'hui. Le défilé va bientôt commencer. Donc, le défilé se passe à 16h. La rencontre, le point de chute, c'est le centre récréatif Saint-Roch. Oui. Le point de départ du défilé, donc le montage se fait entre Saint-Roch et puis la rue des Sables. Donc, le départ va être à partir de la rue des Sables jusqu'à la 13e rue. Et ensuite, le défilé va continuer. Ça, c'est très important pour que les gens puissent accompagner le défilé jusqu'au parc. Donc, le défilé ne s'arrête pas à la 13e rue. Ça suit jusqu'au parc. OK, parfait. Donc, artisans aussi? Oui. Pas pendant le défilé, quand même. Non. Les artisans sont là sur place. Ils sont là sur place au parc. Avec les restaurateurs. Oui. Donc, tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, vous allez trouver ici dans le parc Brébeuf. Oui. Puis, on peut venir par tous les moyens qu'on veut. Hein. On vélo, est tout près de la bus, piste cyclable. Voiture, exactement. À pied, surtout. À pied, oui, c'est ça. C'est très agréable. La température est juste correcte, douce. C'est il n'y a pas de pluie. Légèrement nuageux, mais avec un beau petit soleil, quand même. Oui. Donc, venez découvrir ce lieu, cette activité. C'est unique ici à Québec. Oui, c'est vrai. C'est là. C'est le moment d'aller à la rencontre des différentes cultures présentes ici à Québec. Ce sont nos voisins, nos collègues, nos amis. Et venez les rencontrer, venez leur parler. Oui, et c'est un festival d'envergure quand même, parce qu'avec 800 artistes, je serais curieux de comparer, j'ai jamais fait la comparaison, mais de comparer avec le Festival d'été de Québec. Je ne sais pas s'il y a 800 artistes au Festival les d'été artistes, de Québec. Les artistes sont aussi dans le défilé, les artistes sont sur la scène, tout à donc fait. C'est beaucoup de présence monde. Artistique. Félicitations pour ce festival, cette animation qu'on a chaque année là, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre. On va faire une courte pause. Flavia et Byron, vous allez rester avec nous pendant... Byron, pour toute l'émission, Flavia jusqu'à... jusqu'à 14h environ. Jusqu'au début de la parade, hein, oui, parce que c'est je ça. Suis là. Oui, c'est ça, vous faites la parade, donc on va pouvoir vous admirer pendant la parade. Excellent. Il fallait que je fasse un choix musical. Vous êtes deux porte-parole, alors j'ai tiré à la courte paille et j'ai choisi le plus grand des deux. D'accord, hein, donc, tu vas voir. Ouais. Tu vas voir. Ouais, c'est ça. Le plus grand pays, ouais. C'est le Brésil. Oui, c'est vrai. Oui. Le Canada est encore plus grand, je crois. Non, oui, non, non, non, on est pareil. Oui, on mais est... on a plus du monde là. Il n'y a ça, pas de pas différence. Oui. On est pareil. Oui, c'est ça. Et vous êtes en partie québécoise aussi. Ah, donc, c'est ça. Vous avez deux grands pays pour vous, dans le fond. Ah oui, oui. C'est ça. Alors, le monde est à nous. Oui, yeah, tout à fait. Il faut venir. Oui. Donc, on va avoir un extrait des Lost Fingers, puisque vous faites partie des Lost Fingers. C'est vrai, je ne l'avais pas mentionné encore. Mais bien sûr. Oui, mais tout le monde le sait. Ben, Michaela fait partie des Lost Fingers. Et tout de suite après, on revient avec un autre interview. C'est bien. Oui. J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les Kravenkas, et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca, j'ai tout démonté tes tableaux, j'ai tout découpé tes rideaux, tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut, j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'ai tout brûlé le beau tapis, j'ai tout scié les pieds du lit, tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Fallait pas gâcher mon cœur, laisser sans babysitter. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. Les poubelles, j'ai tout pillé ta belle vaisselle. Attends, c'est pas tout à fait tout, j'ai aussi dépensé tous tes sous. Fallait pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Bonjour, vous êtes de retour à Sortie culturelle à Mondo Carnaval en compagnie de Robert Boisclair et je suis en compagnie de Mohamed Marat, il est directeur artistique du groupe artistique Benkedi. Mohamed Marat, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci à vous. Oui, ça va très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe Benkedi? Le groupe Benkedi, ça signifie « l'union fait la force ». Puis Ah ouais? Oui, Benkedi veut dire « l'union fait la force ». Depuis qu'on est venu ici, on a créé ce groupe-là pour partager notre culture avec le public québécois. OK. Et c'est comme ça que vous travaillez dans le groupe? Comme le nom du groupe, c'est l'Union fait la force. Vous travaillez en groupe pour avoir encore un meilleur produit? Oui. Quand je vous dis l'Union fait la force, on fait l'échange culturel. C'est-à-dire, dans le groupe Benkedi, il y a toutes les ethnies là-dedans. Les Français, les Québécois, les Mexicains, les Burkinabés, les Sénégalais, on est tous unis. puis on a donné ce nom maintenant. Ben, ouais, ouais, ouais. C'est pas juste les Guinéens, c'est toute la planète, je peux dire. Ah, ben vous pourriez prendre Byron et Flavia dans ce cas-là. C'est sûr. Hein? Mais, mais je vois les gars, ils travaillent fort parce qu'ils sont très musclés. Là. Ah, oui. Ah oui? Oui, on l'a. Très, très en forme. Ouais, j'en ai vu quelques-uns. Est-ce que c'est parce que vous faites des spectacles assez difficiles physiquement? Oui, on fait le cirque. Okay. Puis on fait la danse qui s'appelle Dundumba, la danse des hommes forts. Oh! Ah, oh. Et à quoi ça ressemble, la danse des hommes forts? Byron, il y a déjà la carrure, je crois, hein, pour faire ça. Ouais, mais j'ai besoin de m'entraîner un petit peu plus. Ces gars-là sont, sont assez fort. Impressionnants. Ouais. Moi, je fais la musique, OK? Allez, les hommes forts! Oui, alors, donc, c'est ça, vous faites des... C'est assez physique, là, vos exercices, vos spectacles. On fait des cirques, mais on fait la danse surtout et la percussion, okay. Plus le chant aussi. OK. Oui. Et à quoi ça ressemble, un spectacle de Ben Kadhi? Un spectacle de Ben Kadhi, on joue avec les balafons, des choras, et puis la danse. Parce que chez nous, il y a plusieurs danses, puis on fait quasiment, je peux dire... la moyenne des danses de chez nous. Ouais. Puis c'est ça. Donc vous avez fait un spectacle, je crois tout à l'heure vous aviez un petit défilé que vous faisiez. On doit faire une animation ici tantôt. Après ils vont nous emmener pour aller faire la parade aussi. Ok. À quoi ça ressemble un défilé de Ben Kadhi? Défilé, nous on joue puis on fait la danse, on fait l'acrobatie. Oui, vous avez des masques aussi, je crois. Hein? Oui, on a des masques, mais pour aujourd'hui malheureusement on n'a pas amené des masques. On a. Ah non. Non. C'est juste les verres. Oui, c'est ça, c'est le vrai visage. Les verres. C'est pas prévu pour aujourd'hui. Ce qui est prévu, c'est la danse. Parce que, vous savez, c'est beaucoup de costumes. On peut pas amener ça tout le temps. Il y a des parties spéciales qu'on doit amener ça. Mais s'il s'agit de faire des carnavals, si c'est des carnavals juste pour des masques, on peut apporter des masques. Mais aujourd'hui, le thème, c'est la danse, la percussion et l'acrobatie. Ça semble assez... Oui, allez-y, Flavien. L'essentiel va être là, l'énergie. Ouais. Hein. Exactement. Je le vois. Exactement. Je le vois. Ah. Oui, ça semble, comme le mentionnait Flavien, ça semble assez énergique. Est-ce que le public embarque dans vos spectacles ou dans vos événements? J'imagine qu'il doit avoir comme un grand souffle où tout le monde veut embarquer dans le mouvement et participer à la danse et... Ben, je vous dis, là, ils n'auront vraiment pas le choix d'embarquer. Parce que vous c'est énergissant. Non, oh, non. C'est l'énergie qui les ça appelle, c'est pas nous okay. autres. Dès qu'ils nous voient, là, ils sont impressionnés. Et même, ils vont venir, on les appelle même pas. Ils vont être là. Alors, donc, vous allez avoir un spectacle tout à l'heure. J'en profite pour rappeler, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez deux représentations, deux spectacles qui s'en viennent. Alors, les Lost Fingers, vous saurez... Là, j'invite les gens à consulter le site web. Je vous donne les heures sous toute réserve, parce que parfois, ça peut bouger quelque peu. Mais théoriquement, je dis bien théoriquement, les Lost Fingers, vous allez être là au complet, les 4 ouais, ou 5? Oui, exact. Et on commence tout de suite après les speeches avec la mère, la ville, etc. Ça, donc, autour de 18h20. Exact. Fait que vous pourrez asticoter un peu le maire Labeaume, là. Vous pourrez pousser un petit peu. C'est ça, on va être là. Oui. Je vais la faire chanter. Ah, ça serait bon, ça. Flavia, vous, c'est demain à 17h27. Et vous êtes tous les deux sur la scène, là, parce qu'il faut mentionner qu'il y a quand même plus d'une scène là, qui sont ici. Là. Oui, la grande scène où il y a plein de monde. Souvent devant, je sais KRL, on est bien. On est bien, on en profite. Merci beaucoup pour d'avoir passé à notre micro. Merci à vous. Oui, et alors maintenant, on se laisse en musique, on va y aller avec la musique. Non, on y va pas. Valérie. Alors, on me dit que j'ai un invité, c'est ça le direct, mesdames et messieurs. Nous avons Valérie Clio qui est en ligne avec nous. Valérie Clio, est-ce que vous êtes là? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Oui. Mon Dieu, où est-ce que vous êtes? Vous êtes à la maison? Oui, je suis à Saint-Augustin, puis là, j'attends les filles pour les costumes. Alors, je me suis dealé une entrevue au téléphone parce que monter, descendre... J'avais mon gars, fait que c'est soit je manque à parade ou l'entrevue. Tu manques pas la parade. Oui, c'est ça. Mais la technologie. Oui, c'est ça. Donc, finalement, vous allez pouvoir faire les deux. Vous avez été candidate à la voix et la rumeur veut que le maire Labeaume vous adore. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Oui? Qu'est-ce que ça fait d'être aimé du maire Labeaume? ça fait qu'on a un ami plus vraiment intéressant, des beaux projets pour la ville, puis que quand c'est le temps de mélanger les arts, la politique et l'histoire et tout ce qu'un être humain a besoin pour s'accomplir ensemble, bien, on a un maire qui est va de l'avant avec nous autres tout le temps, là, tu sais. Oui. En studio avec moi, ben, en studio, nous sommes en direct du lieu historique national Quartier Brebeuf, mais j'ai Flavienne Nascimento, et Baron Mikhailov. Je vais finir par la bonne. Il y a la misère avec mon nom famille. Ça va bien? Ouais, ça va, toi? Très bien. Ben oui, mais là, je fais ma job, là. J'attends les Haïtiennes pour le costume, et puis après ça, plie pour ton potomita. Ma soeur, on va se voir à la parade, hein? On est ensemble. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes tous les trois passés par Québec à un moment donné pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons de carrière et de formation. Est-ce que, et là, la question s'adresse aux trois, mais je demandais à Valérie de répondre en premier. Est-ce que Québec est un espèce de vivier particulier pour les musiques à Québec? Est-ce qu'on peut vraiment se dire que Québec est une place où la musique a une belle place, la chanson a une belle place et on peut s'y développer en toute liberté? Bien, moi, je pense que Québec, c'est vraiment pas juste un vivier, mais c'est vraiment un fourneau qui bouille, qui brûle vraiment d'énergie musicale. Et écoutez, c'est pas pour rien qu'il y a 10 ans, on est allé avec le maire, là, pour pas le nommer une autre fois. On est allé, Byron était là, on était à Bordeaux, puis on a ramené des idées de la Rock School parce qu'on était fatigués que l'exode se faisait musicalement pour aller à Montréal pour pouvoir fabriquer, créer de la musique. Puis depuis une dizaine d'années, ben, il y a l'Ampli Québec qui fait sa job, les cégeps font leur job, les universités font leur travail. Puis à Québec, ben, on a une meilleure qualité de vie parce que pour avoir été passé tout l'été au Casino de Montréal, qui était un endroit super pour faire des spectacles, mais tu sais, passer une heure et demie dans mon char pour aller faire de la musique, juste là, je capote. Fait qu'à Québec, c'est pas le cas. Mm-hmm. Puis, on a une meilleure qualité de vie. Les gens aiment la musique, les gens aiment les arts. Qu'est-ce qui est le fun à Québec, c'est que on se promène autant dans les salles que dans les bars, puis il y a des bands live partout. La création se fait. On a des artistes qui créent de la musique à partir de Québec. Mm-hmm. Puis, si on vient au Mondo Carnaval, on a des amis qui sont arrivés par le Mondo Carnaval et qui ont pris qui prend Marie prend pays. Ils ont pris Marie au Mondo Carnaval puis ils l'habitent à Québec maintenant pour nommer Emmanuel Dely, tu sais, dans Afro-Vibe. Ouais. De dire que Québec, ça, c'est un vivier. Écoute, c'est un vivier, c'est un frigidaire, c'est un fourneau, c'est une maman, ça crée des bébés musiciens. Je dis, c'est magnifique à Québec. On est comme central. On est proche de Trois-Rivières. On est proche de Tadoussac quand on va voir du Saint-Onge. On est comme proche du Saguenay quand on monte au festival au Saguenay. Parce qu'on a des amis qui viennent du Saguenay, qui viennent jouer avec nous autres le mercredi dans le Vieux-Québec au district. Puis, tu sais, à Limoilou, il y a de la musique depuis tout le temps. Au pub. Puis, le festival d'été, c'est une plateforme internationale comme pas d'autre. Québec, avec la diversité culturelle puis l'amour pour la musique qui réunit toute une langue universelle, ben moi, je pense que à Québec, ça passe. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Byron? Oui, je suis très d'accord. Puis ça a changé beaucoup le niveau de diversité, niveau de population aussi. Fait que il y a plus en plus d'opportunités, plus des festivals, plus des vitrines. Puis moi, je rappelle qu'on en a commencé il y a 10 ans. Tout le monde déménageait à Montréal pour faire la musique. Puis je trouvais ça triste. Puis nous, on a, même quand Montréal déjà essayé de s'associer plusieurs fois, Lost Fingers vient de Montréal. Mais on est de Québec. Puis c'est un choix que tu fais. Puis là, je pense que les artistes, tu peux dire fièrement là, que tu viens de Québec, puis tu fais la musique, puis tu gagnes ta vie avec. Il n'y a pas de gêne. On dirait que toutes les émissions de télé étaient plus à Montréal, etc. Mais de toute façon, tout a changé depuis même 10 ans. Là, beaucoup les médiums, la façon. Tu peux être au bout de Timbuktu, un bout en Alaska, puis faire la musique avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais Québec, c'est un bassin qui est très créatif, puis plus en plus multiculturel. Fait que j'adore ça. Flavia? Non, moi, dans ma carrière, je te dis, tu peux juste remercier. C'est au Québec que ça se passait. Oui, vous êtes passé par l'Ampli, je crois. Oui, je suis passé par l'Ampli en plus. Ouais. Et ça a comme. Ça a été tellement naturel, mais je dirais que la musique, n'importe où je vais être, elle va être faite. Et je suis tellement contente. Je suis juste comme... je remercie. J'ai dit, c'est ici que c'est arrivé. Et d'être à Sherbrooke, d'être à n'importe où, et qu'ils le disent, ah, oh, elle vient de Québec. Tu sais que je vais chanter avec Paul Piché. Je partais, oui. Et il dit, l'artiste québécoise, Flavia Smith. J'étais tellement fière parce que j'ai dit, oui, c'est vrai. Je suis ici. Je suis d'ici. Oui. Donc, j'ai comme... ouais, Québec m'a embrassée. Je suis vraiment contente d'être dans ses bras-là. Oui. Valérie Clio, oui. Je crois que vous travaillez sur un nouvel album, parce que j'ai vu une belle photo sur votre page Facebook où on voit avec une foule au Quai des Cageux, je crois. À quoi va ressembler ce nouvel album? Bien, ce nouvel album-là, il va... C'est sûr que, tu sais, j'ai pris le temps d'y penser. J'ai pris le temps de vouloir y mettre, comme on va dire, avec les mots... parler de comment moi je vis ma négritude au Québec. Je suis québécoise, je suis née au Québec, mais je suis de nationalité haïtienne. Mm-hmm. Puis, en faisant des tournées un peu partout, puis en découvrant d'autres nationalités, notamment par le Mondo Carnaval, bien, on rencontre des francophones de d'autres nationalités qui vivent leur négritude différemment, comme par exemple la Moufanga qui va être après moi ce soir. Eux autres, ils vivent leur négritude de façon guadeloupéenne. Fait que j'ai pris le temps pendant 2 ans de lire sur ça, sur Aimé Césaire et tout ça. Mm-hmm. Puis, de dresser un portrait de comment nous autres, les immigrants, quand on arrive au Québec, comment on vit notre négritude à travers le froid. Puis, je pense que j'ai réussi à saisir un peu le pari que nos parents y font quand j'ai écrit la chanson Le Nord avec mon ami Louis Tondreau, oui. Qui est sorti en février. Puis, je pense que là, j'ai vraiment. Mis le doigt sur quelque chose qui naît en moi parce que je suis au Québec. Ouais. Puis que je vis à tous les jours et que je vis naturellement, fièrement, mais différemment de mon ami, mettons, Caroline qui est québécoise et qui est artiste aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais en parler un peu, je vais parcimonier un peu ça. J'aimerais ça que cet album-là soit une trace de qui je suis de par le choix de mes parents. Mm-hmm. Puis aussi, ben, je suis égale à moi-même. Moi, je suis une romancière. C'est sûr que je vais vous parler d'amour en français. Mm. Puis je vais vous parler de qu'est-ce qui me touche. Mm. Puis ça va être avec un peu de néo-soul, un peu de funk. On va danser, on va pleurer. Puis ça va être un bel album où j'ai pris le temps d'écrire des mots avec Virginie Bilodeau, oui. Puis avec Serge Ouellet, oui. Des auteurs-compositeurs, des paroliers super. Il y a des chansons qui m'ont été offertes, il y en a d'autres que c'est complètement moi qui les ai écrites. Alors, puis à la composition, puis aux arrangements, ben, je travaille depuis tout le temps avec Guillaume Tondreau, mon collaborateur. Alors oui, ben, ça va être un genre d'album comme ça, puis on souhaite que le 15 septembre, il soit sur la pochette en plastique, là, tu sais. Mais on peut pas dire quand. Oui, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, je rappelle que vous serez en spectacle. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut vérifier quand même sur le site web du Mondo Carnaval pour être sûr des heures précises de prestation. Mais théoriquement, vous êtes en spectacle ce soir à 20h45 sur la scène. Exactement. Puis je vais être accompagné de mon équipe de course, Sébastien Champagne, François Moisan, Christine Mercier, Guillaume Tondreau, Jessie. Et puis, Emmanuel est posé venir apporter ses congas pour venir embarquer sur le stage. Alors, ça va être le fun. Parfait. Valérie Clio, merci infiniment. Bisous, Valérie. Bisous à tantôt, les minous. Bye. Bye. Est-ce que je peux savoir lequel des deux se fait appeler minou? Non, moi, c'est moi qui ai la barbe. C'est les deux. Bye, bye. Bye. Alors, on se laisse quelques instants avec la musique de DJ Nos et possiblement une petite pause publicitaire. Alors, à tout de suite. CKRL 89.1. Le 9 septembre prochain, venez vivre Limoilou en famille Desjardins. De 10h à 16h, la 3e avenue s'animera le temps d'un événement festif. Au menu, spectacles et animations en continu. Pico Larouche, les Chadruelles, Science en folie, les jeux rétro du Mini Warp Zone, contes, lectures, dessins, ateliers de percussion, yoga en famille, jeux géants et jeux gonflables. Limoilou en famille, une invitation du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, de Limoilou en vrac, de l'initiative 1-2-3-GO Limoilou, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Limoilou et la Ville de Québec. Programmation, monlimoilou.com/enfamille. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. Tu aimes la course à pied et les arts de la rue? La course de la Cité Limoilou est pour toi. Viens courir 1, 2, 5 ou 10 km dans une ambiance de cirque avec musique, jongleurs et amuseurs de rue. Le 30 septembre prochain, dans une ambiance unique, les rues de Limoilou s'ouvriront aux coureurs. Profite du tarif réduit jusqu'au 1er septembre, minuit. Inscris-toi sur coursedelacitelimoilou.ca. Une collaboration de la SDC Limoilou et du 89.1 CKRL. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Cielo, En guerre, Kin le commencement, McQueen, Nico, Le Nid et Recherche. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Pourquoi devenir membre de votre radio? Parce qu'on vous parle avec passion de cinéma, de poésie et de littérature sous tous ses aspects. Et parce qu'aussi, ça vous permet de soustraire 10% sur votre addition à la librairie Pantoute. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Production Rhizome, Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube, Espace sans mesure, École de cirque de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Sortie culturelle. Sortie culturelle au Mondo Carnaval vous est présentée en direct du lieu historique national Quartier Brébeuf. Vous êtes à l'antenne de Sortie culturelle au Mondo Carnaval en compagnie de Robert Boisclair. Les musiques traditionnelles martiniquaises et la musique électronique s'entremêlent dans sa musique. DJ Nos montre à travers le monde la richesse de la culture martiniquaise et sa perpétuelle mutation. Du Ghana à Paris, sans oublier les Antilles, il crée en rendant hommage à ses pères et continue son ascension avec une envie d'aller de l'avant. DJ Nos, alias Marcel Jean-Baptiste, bonsoir. Bonjour, plutôt. Bonjour. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Parfait. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien. Est-ce que c'est votre première participation à ce festival, le Mondo Carnaval? Oui, c'est la première fois que je viens jouer. Oui. Comment vous définiriez votre musique? Est-ce que vous la définiriez comme un doux mélange ou un savant mélange entre la tradition martiniquaise et la musique électronique? Plus ou moins, en plus fait. Ou moins? L'idée, en fait, je développe l'idée que la question de la tradition et de la modernité en Martinique, c'est des concepts qui peuvent être relativement dangereux parce que la tradition, pour le coup, correspond à une identité qui serait martiniquaise, mais la modernité est souvent une modernité extérieure. Et moi, je suis plutôt dans l'idée, alors c'est comme ça que je définis maintenant ma musique, c'est plutôt une ancestralité contemporaine, c'est-à-dire que je positionne quelque chose de temporel, pas quelque chose qui serait une évolution. C'est juste que le temps passe et donc les choses mais reste lié par cette question de l'ancestralité. OK. Mais d'où vous est venue l'idée de mixer la musique traditionnelle, d'une certaine façon martiniquaise, à d'autres rythmes, à d'autres sons, à d'autres musiques? Ben, au départ, après le travail du DJ, souvent de mélanger les musiques, en tout cas les faits s'enchaînaient, et donc du coup quand on les s'enchaînait, généralement on les superpose. Mm-hmm. Donc du coup, bon, naturellement ça c'était ma pratique de DJ, et en fait comme je suis né dans le monde des musiques, maintenant je veux dire ancestrales martiniquaises, donc la musique, donc le belay, donc j'avais ces deux influences là, et en fait souvent je me suis entendu dire que je faisais un mélange entre tradition et modernité, et je sais pas, ça me dérangeait. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, l'idée pour moi, c'est pas de mélanger, c'est pas de superposer, c'est de créer, si modernité, si on doit parler de modernité, une modernité martiniquaise, pas une modernité qui serait juste la modernité des autres avec quelques éléments de ma martiniquaise. Ok. Dans votre musique, est-ce que vous aimez que ça bouge, que ça rythme beaucoup, ou c'est beaucoup plus doux, c'est assez dynamique. De toute façon, après, je fais... Mon travail pour l'instant, en tout cas ce que je présente aujourd'hui, est un travail de DJ avant tout. Oui. Donc du coup je mêle ma musique à d'autres musiques, mais ça, oui, ça bouge plutôt. Oui, oui. Mm. Est-ce que vous jouez un petit peu partout dans le monde? Oui. Mais vous jouez aussi particulièrement en Martinique, vous faites ce que vous appelez des beat jungle. Qu'est-ce que c'est exactement un beat jungle? Les beat jungle, en fait, c'est un concept que j'ai lancé, parce que j'ai des amis qui ont lancé un espace de co-working. Mm-hmm. Et en fait, j'avais rencontré des amis à Paris qui ont eu un média qui s'appelle Black Square. Et en fait, il m'avait proposé d'avoir une émission musicale. Et je me suis dit que l'un dans l'autre, l'espace s'appelle Beat Jungle. Et je me suis dit Beat Jungle, ça collait bien et ça allait avec l'idée de ce que je voulais développer. C'est-à-dire quelque chose d'un peu, j'aime pas le terme sauvage, mais un peu, wild, oui, quand même. Un peu sauvage, en tout cas, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc du coup, c'est un peu ça le principe de l'émission. Ouais. C'est un peu ce que vous faites dans les Lost Fingers, Byron Mikhailov, parce que vous faites du jazz manouche, mais à partir de rythmes ou de chansons ou de pièces complètement différentes, dans des styles complètement différents. C'est carrément quand l'idée est sortie, même les vrais joueurs de jazz manouche, ils ont trouvé ça carrément la folie. Ouais. ils ont bien aimé. C'est un peu qu'est-ce qu'on fait, c'est un peu l'appropriation culturelle avec beaucoup de respect vers la culture, parce qu'on a fait notre travail, on a gagné le respect des manouches, puis là on a fait quelque chose, on a mélangé des cultures ensemble, puis ça a fait quelque chose qui est respecté par eux. Mm. On a la ligne qu'on peut dire, c'est à Paris, au Châtelet, on a fait le centenaire de Django Reinhardt, puis on était au 18e, puis on a vu tout le dévoilement, puis on a rencontré notre mentor, en fait. C'était pour nous quelque chose de magique. Ouais. Comment les gens réagissent des Ginos à votre musique en Martinique? Parce que vous faites quand même un certain amalgame. Est-ce que c'est quelque chose de, j'allais dire, de nouveau ou de précurseur d'une certaine façon, ou c'est quelque chose qui prend sa place chez vous en Martinique? Ben, comme vous dites, oui, c'est quelque chose d'assez précurseur, parce que je me suis rendu compte, parce que j'aime bien, aussi, comme je parlais de cette idée de lignée, de m'inscrire dans une dynamique, au niveau des mélanges, en tout cas de l'utilisation des instruments électroniques liés au belay, ça n'a pas beaucoup été fait. Et du coup, je me rends compte que finalement, je fais une espèce de musique qui ressemblerait à quelque chose qui se ferait dans les années 80-90, mais avec quand même une couleur très contemporaine. Ouais. Qu'est-ce que c'est le belay que vous avez mentionné? Donc le belay, comme je disais, c'est la musique ancestrale martiniquaise. Okay. Donc c'est ce qui a été créé par les descendants, les Africains mis en esclavage en Martinique. Est-ce qu'il y a des instruments particuliers? Oui, donc les instruments particuliers, donc c'est le tambour, évidemment. Il y a le tambour belay dont je joue, que je vais jouer aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a le tibois, qui c'est des baguettes. Il y a chacha, il y a la conque de lambi qu'on utilise aussi, qui est le coquillage d'un crustacé qu'on appelle le lambi. Okay. Ah, donc vous jouez du coquillage, finalement? Oui, aussi. Donc du coup, voilà, il y a tout un ensemble d'instruments, alors, et plein d'autres instruments qu'on n'utilise plus beaucoup, mais voilà, c'est un peu mon travail aussi. L'idée, c'est de ne pas perdre le lien, en fait. Oui. Vous êtes DJ Nos, donc vous êtes DJ. Il y a un autre DJ aussi qui sera ici sur le site. Est-ce que les DJ entre vous, est-ce que vous vous fréquentez? Est-ce que vous vous écoutez ce que les autres font? Est-ce que vous avez un DJ que vous aimeriez être ou que vous idolâtrez particulièrement et que vous aimeriez avoir son style? Après... Une fois, j'ai entendu quelqu'un parler de monomaniaque et je crois que je suis un peu monomaniaque par moment. Oui. En fait, j'ai des périodes et dernièrement, ma période était sur un DJ canadien, enfin haïtien, mais qui a la nationalité maintenant canadienne, qui s'appelle Kate Renada. Donc j'aime beaucoup la musique qui justement, lui, il a cette espèce d'approche qui mélange savamment où moi en tant que caribéen j'entends les influences caribéennes mais c'est très électro et donc du coup j'écoute pas mal le travail d'autres DJ parce que des fois il faut bien s'alimenter. Je pense que tous en tant qu'artiste, en tant qu'être en fait, tout ce qu'on fait c'est retraiter des informations qu'on a assimilées et puis on les retransmet à travers notre personnalité, à travers notre influence. Oui Byron, mais ça a l'air très intéressant qu'est-ce que tu fais. J'aimerais vraiment aller fouiller pour écouter ça. Puis je trouve au Canada, il y a les Premières Nations, Tribe Called Red, peut-être tu connais le groupe qui va chercher dans leur culture, puis ils modernisent avec la nouvelle technologie, mais ils gardent l'essentiel puis la puissance de la powwow qui est renforcée. Je pense que c'est la musique électronique, c'est les techniques. Toute la musique sonne plus fort, il sonne plus. Tu es capable de l'amener à un autre niveau avec ça. Puis c'est un outil qui est très puissant pour les rythmes de les cultures parce que c'est là que tu peux piger. Oui, mais on dirait qu'il y a un rythme aussi, peut-être dans les musiques de DJ. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a comme un rythme un peu. Je vais utiliser le mot ancestral, c'est peut-être pas bon, mais qui vient nous chercher un peu de l'intérieur, puis qui nous amène à bouger, à agir, à se promener, à vouloir danser. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans la musique des DJ? Moi, c'est l'impression que j'ai. Là, si je dis une bêtise, du tout, il n'y a pas de bêtise. En fait, de toute façon, ça fait sens, parce que de toute façon, le premier DJ qu'on a eu, en tout cas tel qu'on connaît les DJ maintenant, pas ceux qui passent la musique en radio, mais ceux qui mixaient la musique, c'était Kool Herc. Et son travail justement, ça a été d'enchaîner des breaks pendant un temps pour prolonger. Et l'effet que ça a, comme nos musiques, en particulier en tout cas les musiques d'héritage africain, c'est de créer une transe. Donc du coup, après que ça active le corps, que ça active l'esprit, je crois que c'est le but. Oui, c'est un petit peu normal en fin de compte, si je comprends bien. Quand vous faites un mix, qu'est-ce qui vous anime en premier? Qu'est-ce qui vous allume? Est-ce que vous partez d'un rythme martiniquais qui a du sens particulier pour vous, auquel vous ajoutez de l'électro par-dessus? Ou est-ce que vous partez d'un son électro pour arriver à joindre quelque chose martiniquais? Après, le chemin qui m'amène, en tout cas qui emmène les inspirations, peuvent être très divers. Soit je passe quelque part et puis j'entends une mélodie et puis finalement ça active une autre mélodie en moi. Soit aussi des fois j'ai des idées qui sont liées à mes envies, mon positionnement politique. Et quand je dis politique, pas par rapport à un parti, mais véritablement la vision que j'ai de comment la société devrait être organisée. Et dans cette vision politique-là, il y a l'idée que en tant que Martiniquais ayant été colonisé, l'un de mes travaux en tant que... plus colonisé, en tout cas quelqu'un qui sort de cette colonisation, c'est de recréer une identité esthétique qui serait propre à ce que je suis. Et pour ça, ça demande des fois de ne pas tomber dans la facilité, parce qu'en fait des fois c'est relativement simple, parce que la formule, on prend un beat qui est plus ou moins habituel et on y colle une voix souvent le terme utilisé tribal, ethnique, et ça marche, mais c'est pas si simple à mon sens. C'est-à-dire que là c'est juste de la superposition, alors que moi ce que je veux c'est vraiment créer une esthétique qui pourrait être utilisée par moi et puis d'autres générations. Oui, est-ce que c'est un petit peu comme ça que vous travaillez quand vous créez des pièces? Vous aussi, vous essayez de créer un ambiance où vous êtes allumé par quelque chose qui vous amène ailleurs? Ou parce que dans un certain sens, si je dis une bêtise, vous me le dites, mais j'ai l'impression que vous avez un peu façon similaire de travailler puisque vous amalgamez deux arts. Il faut respecter la tradition, mais il faut voir d'un autre angle aussi. Mais dans nos versions, quand on part de faire une version Lost Fingers, il y a des rythmes typiques qui sont utilisés par des Tiganes ou des Manouches qu'on essaie de respecter. Puis même eux, leur musique, le jazz manouche a évolué beaucoup avec Beryl et Lagrène et ici, qui ont vraiment élaboré de l'époque de Django. Oui. Fait que là, t'as les rythmes un petit peu avec Doussa, etc. Les funky manouches, ils appellent ça. Fait que, là, t'as d'autres palettes. Fait que ça, quand on a une flash pour une chanson, t'as plein d'opportunités. Puis c'est là que ça vient. Ça peut être une progression harmonique, ça peut être un motif rythmique qui va t'amener. OK, ça fait que la mélodie marche dans un autre sens, mais oui. Aussi bien. C'est de trouver les mélanges qui fonctionnent. Oui. Ouais. D'une certaine manière, votre musique, c'est de mettre. Est-ce que c'est de mettre aussi. Je pense que vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais de mettre la musique antillaise un peu au goût du jour ou sur la map pour que d'autres nationalités, d'autres gens découvrent un peu la culture et la musique antillaise, particulièrement de votre pays. Alors que des gens la découvrent, ça c'est très bien. Pour moi, c'est pas un objectif premier. Pour moi, c'est un effet collatéral. Le premier objectif pour moi, c'est que ensemble et pour, alors vous dites les Antillais, mais d'abord les Martiniquais, mm-hmm. qu'on puisse avoir quelque chose qui nous appartienne et qu'on n'ait pas spécialement besoin de s'alimenter de ce qui est à l'extérieur et qui marche à l'extérieur, parce qu'en fait, ce qui marche à l'extérieur, c'est ce travail-là que les gens ont fait, c'est-à-dire d'aller chercher en eux-mêmes pour créer quelque chose qui leur appartient et qui peut plaire aux autres. Oui. Vous serez en spectacle cet après-midi vers 16h20 voilà. environ sur la scène numéro 1. À quoi on va avoir droit pendant votre spectacle? Un set où je mélange ma musique, mes créations, mes remixes, et puis aussi beaucoup de musique que j'aime, qui m'influent et qui vont dans le même sens de ce que je fais, c'est-à-dire une dynamique contemporaine et ancestrale. Oui. Flavia et Byron, est-ce que vous avez fait... Oui, vous êtes de retour. Est-ce que vous allez faire un petit tour... est-ce que vous avez déjà fait un petit tour, parce que ça a commencé à midi aujourd'hui, est-ce que vous avez fait un petit tour du site? Est-ce que vous avez découvert des choses qui vous intéressaient? Justement, je viens d'arriver du site. Hein? Et je m'en vais bientôt à la parade. Je vous dis, il y a du monde, il y a une énergie, il y a la musique. Tantôt, c'était, je pense, mexicaine. Non. Ouais. La première nation qui a vraiment ouvert ça avec toute splendeur, je pense que c'est ça. Ouais. Je trouve que Monde Carnaval, c'est plus qu'un festival. Ouais. C'est comme une petite communauté, c'est un village dans Québec et c'est ici aujourd'hui, ouais. Cet village-là. Et tout le monde se dit bonjour. On n'est pas de où tu viens. Non, pas du tout. On est du monde. Oui. Moi, j'ai ciblé, je regardais chez une... Un gars assez gastronomique, puis j'adore les nourritures. Puis j'ai regardé, il y a une kiosque perse avec des Iraniens qui ça a l'air magnifique, qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est rare à Québec. En fait, quand je vais aller manger d'Iraniens, je vais tout le temps à Montréal, j'ai les places que j'aime bien, mais là, je viens de trouver. Je vais essayer de voir si à Québec, si on est rendu avec une place iranienne. Je serais curieux, j'avoue que je le sais pas. Je serais curieux, mais j'ai un petit doute qu'on en a. Au moins un. J'ai un petit doute, mais je suis pas certain. On va l'encourager. Mais les gens peuvent venir ici essayer la petite dégustation iranienne, puis ils peuvent poser la question aux gens en disant est-ce que vous avez un endroit à Québec où est-ce qu'on peut aller déguster votre nourriture? Et d'ailleurs, on peut en découvrir de plein de nations. DJ Nos, je viens de parler de ça correctement. D'ailleurs, ça me fait penser, pourquoi Nos? Une longue histoire. Mais si on fait la version courte, si on fait la version courte, on va dire que le NOS, c'est le protoxyde d'azote. OK. Et en fait, c'est un gaz hilarant et aussi anesthésiant. Donc, plutôt, l'idée, c'est de paralyser, de faire rire. OK. Mais j'espère que votre spectacle est plus hilarant qu'anesthésiant. Oui, plus hilarant. Quand même, oui. Un mélange des deux. Oui, c'est un mélange des deux. Quand on est endormi un petit peu, il nous réveille. C'est ça. Alors, merci infiniment, Ginos. Flavia, je crois que vous allez nous quitter. Je vais vous quitter pour aller parader sur la 3e avenue. Je vous invite

Eh bien oui, nous sommes toujours en direct du parc Quartier Brébeuf pour cette sortie culturelle au Mondo Carnaval. Et comme le thème du Mondo Carnaval de cette année est Voyage aux Caraïbes avec la Guadeloupe comme pays vedette, je vous offre un mini spécial Guadeloupe en deux moments, en deux instants si vous voulez. Débutons avec un voyage au cœur de la Guadeloupe, ses plages magnifiques, ses paysages à couper le souffle, sa gastronomie relevée et son étonnante richesse culturelle en compagnie de la directrice du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, Patricia Hazard. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Au Canada, il faut le mentionner. Vous m'avez fait signe et vous avez tout à fait raison. Parlons-en un petit peu de la Guadeloupe. La description que je viens de faire était celle qui est parue dans la presse il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que c'est représentatif de ce qu'est la Guadeloupe? C'est un peu ça. Et il manque un peu de parler de la population. Oui. Qui est très chaleureuse, très accueillante, qui a une particularité, c'est qu'elle aime recevoir. Oui. Énormément, et elle aime partager. Donc c'est vrai que outre les plages, outre les hôtels, outre les randonnées, vous avez un peuple qui ne demande qu'à s'ouvrir sur le monde. OK. Voilà. On peut parler d'un archipel fantastique d'une certaine façon, parce qu'il y a beaucoup de diversité. Alors voilà, la particularité de la Guadeloupe, c'est vraiment ça, parce que vous avez la Guadeloupe proprement dite, oui. qui comprend la Basse Terre et la Grande Terre, et puis vous avez tout un archipel d'îles. La Désirade, Marie-Galante, les Saintes, et puis vous avez aussi des petites îles sur lesquelles nous faisons des excursions régulièrement, qui ne sont pas nommées, mais qui existent aussi. Okay. Donc c'est une multitude de petites îles, plus ou moins grandes, qui font que quand on vient en Guadeloupe, on ne peut pas dire qu'on visite la Guadeloupe en une journée, ni en deux jours, ni en trois jours, parce que chaque île a sa particularité. La population est différente, l'accueil, les visites, les lieux. Okay. Donc c'est une partie de notre histoire qui est un peu dispersée sur toutes les îles. Oui, parce qu'il y a une géographie aussi qui est passablement différente d'une île à l'autre. Voilà. Non, je ne dirais pas que d'une île à l'autre, parce que c'est toujours la même île. Donc ça reste toujours la Guadeloupe. Mais je dirais que c'est comme des petits quartiers. Il y a un quartier qui est un peu différent, qui regroupe une certaine population, comme aux Saintes, mm-hmm. où nous avons énormément ce que nous avons... qui nous rapproche de la France, parce que vous avez un mélange de colons qui sont restés sur les Saintes et qui ont formé une communauté mm-hmm. qui s'est mélangée au fil du temps, mais qui reste quand même très présente. Vous avez sur la Grande Terre la partie un peu indienne de la Guadeloupe, okay. Du côté de Sainte-Anne, Saint-François, mais qu'on retrouve aussi un peu sur la Basse Terre, mais qui sont bien regroupés. Et puis vous avez la partie créole, les descendants d'esclaves, qui sont aussi éparpillés un peu sur toute l'île. Okay. Donc je dirais que c'est une multitude de peuples, de cultures regroupées qui représentent l'archipel guadeloupéen, en fin de compte. Et ça, on le retrouve un peu partout. Oui, mais j'aimerais qu'on parle un peu de ce qu'on appelle la vieille dame qui est en basse terre et en... L'autre, c'est grande terre, voilà. Un peu de la vieille dame pour les gens, pour leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est, parce que c'est un volcan, à toute fin pratique. Alors, le volcan l'a souffrir. Je dirais que c'est pas une vieille dame, mais elle fait partie de notre histoire. Elle mm-hmm. nous a permis d'exister. Et puis, maintenant qu'elle est un peu moins... Elle n'est pas... Je dirais qu'elle ne vit pas beaucoup. Elle, doucement, mais... Sûrement, je dirais. C'est un volcan tranquille. Voilà, vive doucement mais sûrement. Elle nous permet aussi de faire connaître, elle a permis de créer un climat tout autour qui est un peu plus frais sur cette partie de l'île, parce qu'elle est de l'autre partie sur la basse terre. Okay. Et de créer tout autour toute une série de randonnées, de marches pour les personnes qui aiment découvrir la nature, qui n'aiment pas avoir d'hôtel tout autour. Mm-hmm. Voilà, donc c'est... C'est à voir, je dirais que c'est à voir. Mais il faut avoir une bonne santé physique. Ah oui, pourquoi? Parce que le plus beau est au moins à 3 heures. Ah, okay. Voilà, donc, voilà. Vous êtes en train de me dire qu'on le fait à pied finalement. Mais oui, c'est à ah pied. Oui? Si, c'est pas. Le bus vous arrête sur un petit plateau, mais après, la réelle découverte de la Soufrière se fait à pied, avec la petite bouteille d'eau, okay. le petit sandwich à côté et la bonne forme physique. Okay. Est-ce qu'on a droit à la petite odeur? Parce que ça s'appelle Soufrière, donc j'imagine qu'on a droit à l'odeur de soufre. Non, l'odeur de soufre, elle est un peu éparpillée sur la basse terre, qu'on retrouve okay. ailleurs, mais pas forcément quand on est à la Soufrière. Okay. Voilà. La Soufrière, comme c'est très très frais, c'est très couvert, donc l'odeur ne se disperse pas énormément, mais voilà. Là, je vais vous poser la question. Quand je pose ce type de question-là à quelqu'un, les gens n'aiment jamais vraiment répondre à cette question-là. Ben, allons-y, je verrai si moi j'aime ou pas. Oui, c'est ça. Alors, quel est le top 3 des choses à faire en Guadeloupe? Le top 3. À faire ou à voir, je vous laisse choisir. À déguster. Ah, à déguster, ouais. Un bon pourquoi plat, pas? Un bon plat créole. Oui. Un bon plat créole avec... alors, il y en a, moi, je dirais qu'il y en a trois. Vous avez ce qu'on a, le colombo, qui est un mélange par rapport à notre... à nos apports indiens, mm-hmm. d'accord? Qui est fait à base de curry, voilà. Après, vous avez ce que nous appelons le courbouillon de poisson, qui est le plat le plus local. Oui. Donc, c'est du poisson fait avec de la tomate, des épices mm-hmm. relevées, servi avec du riz blanc. Et puis après, vous avez ce que moi j'adore, on appelle ça les dombrés. Okay. C'est très local, mais c'est des petites boulettes de farine qu'on peut mélanger avec des haricots rouges, de la viande de bœuf ou de la viande de porc. C'est très local, mais c'est très très bon. Donc je dirais que pour moi, le top 3, ce serait ça. Et puis, dans les choses à découvrir qui ne sont pas de la alors, nourriture, qu'est-ce qui est le plus intéressant à découvrir? Alors le plus intéressant, vous avez un Memorial Act qui nous retrace toute l'actualité. Mais c'est un monument, c'est une visite à faire. C'est un espace dédié à la culture noire, mm-hmm. Où régulièrement vous avez des expositions, pas uniquement, mais vous avez pas mal de, je dirais, beaucoup d'activités littéraires, culturelles au sein. Oui. Et ça, c'est à ne pas rater quand vous allez en Guadeloupe. OK. Voilà. Donc, c'est vraiment un beau pays à découvrir. Ah, mais je dirais pas le contraire. Je dirais venez nombreux. Est-ce que c'est facile de s'y rendre? Parce que au niveau de l'hébergement, il n'y a pas de tout inclus. Non, mais... alors, c'est vrai qu'on n'a pas le tout inclus. Et c'est une politique qui est volontaire. D'accord? Parce que nous attachons au contact humain. Donc, nous avons quelques tout inclus, je dirais, 2-3 hôtels qui proposent. Mais le tout inclus, vous pouvez l'avoir autrement. Vous pouvez avoir sur d'autres types d'hébergements, comme sur les villas ou les gîtes. Oui. Parce que vous avez un fort développement de conciergerie chez nous, et les conciergeries peuvent vous livrer vos repas tous les jours. Donc je dirais que le tout inclus, il se présente de la même manière. Vous n'avez pas à sortir de chez vous, et on vous emmène en Guadeloupe au niveau du culinaire directement. Okay. Alors après, vous avez tout ce qui est village, gîte, ou ça, je dirais que c'est différent, mais vous êtes avec la population et elle vous donne une approche un peu différente que si vous étiez arrivé dans un hôtel et ne pas bouger et prendre juste un tour avec. Alors, pour y accéder, je dirais que maintenant, c'est le must du must. Maintenant, nous avons 3 compagnies aériennes à partir du 2 novembre qui vont desservir la Guadeloupe. Et il faut savoir que la Guadeloupe sera desservie tous les jours au départ de Montréal. OK. D'accord? Donc, et voir le mercredi, vous avez 3 vols. Donc là, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et les tarifs sont à peu près, je dirais, à partir de 400 $ aller-retour. Okay. Donc tout le monde peut y aller. Je dirais que même en formule all-inclusive, vous avez la compagnie Transat et tout, qui vous propose des séjours à partir de 1 300 $. Oh, quand même. Oui, donc c'est... C'est quand même abordable. Oui. Voilà, je dirais qu'on peut, on peut se permettre d'y aller maintenant. Quelqu'un qui nous dira, je suis à Québec ou je suis à Montréal et je ne peux pas y aller, je dirais que c'est qu'il n'a pas envie d'y aller. C'est pas le coup. Est-ce que vous êtes déjà allé en Guadeloupe? Non, mais on a parlé tantôt avant qu'on était en onde, puis j'aimerais que vous nous expliquiez un peu le zouk, un peu parce que je pense que les gens aimeraient ça moins. Alors le zouk, c'est notre musique fétiche, c'est la musique qui nous balade, c'est la musique qui nous permet de faire des rencontres, c'est la musique de tous nos souvenirs. C'est une musique qui est née de Guadeloupéens, mais de Guadeloupéens basés à Paris. Alors je vous dirais qu'il s'appelle Jacob Desvarieux et Jean-Claude Desimus, et qui ont eu envie de faire connaître la culture créole, notamment guadeloupéenne, mais à travers une musique un peu plus balançante pour que la France, en tout cas les Européens, la découvrent. Et de là, il venait le zouk. Voilà. Oui. Mais c'est une musique très chaleureuse, très veloutée, comme on dit chez nous. Donc, j'aime les termes veloutés. Très ouais. Veloutée, oui, voilà. Donc, ça donne le goût de l'écouter, ça donne presque ça le goût de s'y coucher. Danser, oui. De prendre, de s'amuser, ça donne plein de goût. Oui. Voilà. Alors, comment ça s'écrit, le zouk? Z-O-U-K. Okay. Mais je vous invite un jour à venir danser le zouk. Et si on a l'occasion pendant ces 3 jours, on mettra un peu de zouk et vous verrez. Oui, voilà. Mais ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est pour l'année prochaine, parce que pour cette année, c'est peut-être un petit peu compliqué. Non, mais pour le Mondo Carnaval l'année prochaine, on invitera et on fera des séances, des stages de zouk pendant les 3 jours. Alors, si Doina Balzar écoute, c'est le temps de passer votre message. Ben, je dirais, Doina, je t'invite à danser le zouk, alors invite des groupes. Voilà. Tensez-vous le Zumba. Il arrive le zouk. Non, mais le zouk, elle sait le danser aussi. Parce qu'elle aime beaucoup cette destination aussi. Oui. Voilà, tout à fait. Patricia Hazard, merci infiniment. Et merci à vous de m'avoir reçu. On vous souhaite beaucoup de visiteurs en Guadeloupe. J'avoue que c'est un pays que ça fait un certain temps que j'y pense. Et là, maintenant que vous me dites que les prix sont autour de 1300, non, là, j'ai un peu plus le goût. Avec une semaine en all inclusive. Donc c'est, ça en tout inclus, en 1300. Ah oui, oui, tout inclus. Est-ce que je peux partir demain matin? Je dirais des premiers départs le 29 octobre. Donc on vous emmène, il n'y a aucun problème. Patricia Hazard, merci infiniment. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, quant à nous, on va se laisser en musique. Et on revient tout à l'heure pour parler, de nos voisins, de ceux qui sont tout proches, qui sont tout près, mais je vous réserve la surprise pour tout à l'heure. Solo Malena Puchena Bubamara Sose Nichelel Deboa Deboa Mangabla Charle, Buba Mara Koha, Pochinel, Eiro Malen, Ashunen, Echaloren Kugle, Zurale, Buba Mara Chayori, Baro Grga Voisi, Ojili. Jingi Ringi, Buba Maro, Ciknie, Shujie, Aye Mori, Boiro Mesa. Chujie, ajde moli boj romesa. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, a vidičera. Za romale ne pučela, ode oni fuzu i čudela, dela, dela sa čarle. Buba Maru Vojte Arese Peiro Male Našunen Ečaoren Google Šukaren Život osirigi špil Tradelorom Aironi Čiki Riki Buba Maru Ciklije Čužije Ajde boli boj romeca Čiki Riki Buba Maru Ciklije, čužije, ajde moli boj romenca. Čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, a vrte kjela. Sa romale puče. Vous êtes toujours à l'écoute de Sorties culturelles au Mondo Carnaval, en compagnie de Robert Boisclair. Alors, l'émission, on approche déjà de la fin de l'émission, mais c'est impossible de faire ce tour du monde culturel sans faire un arrêt chez nos voisins immédiats, les Hurons-Wendat. Pour nous parler des femmes au tambour de Wendake, je reçois Diane Andisha Sondakwa Picard. Bonjour, Madame Picard. Bonjour, Kwekwe. Oui, effectivement. Faire un tour chez les Hurons, vous êtes les bienvenus. Est-ce que j'ai bien prononcé Andisha Sondakwa? Est-ce que c'était bien ça ou ça se prononce différemment? Andisha Sondakwa Yatsi. Mon nom est Okwandoron. Taohanche Ya Andisha Sondakwa Yatsi Diane Picard. J'ai été baptisée. Picard. OK. Si je. La portion que j'ai mentionnée tout à l'heure, je crois que ça veut dire la lune de l'aigle, exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est, que, c'est un nom que j'ai reçu lorsqu'on avait une cérémonie. On était 7 ou 8 hommes et femmes médecines. Et on demandait à activer notre tambour-chef qu'on a utilisé sur la scène, qui a chanté avec nous. Oui. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis partie dans la lune parce que je suis lunatée. OK. Et puis, il y a des aigles qui se sont promenés au-dessus de nous. Alors, les hommes ont chanté les chants sacrés, puis moi, je suis partie dans l'une avec les aigles. Alors, lorsqu'on a eu terminé la cérémonie qui se passait sur le site des Nouvelles-France à 5 heures du matin, mm-hmm. Les adorés m'ont dit, bien maintenant, ton nom, c'est la Lune. Et l'autre me dit, ton nom, c'est le centre d'aquat. OK. Alors, vous avez combiné les deux. Les femmes au tambour, qu'est-ce que ça fait exactement? Qu'est-ce que c'est comme groupe? Les femmes au tambour, ce sont des femmes qui véhiculent la culture, qui véhiculent les chants, qui chantent les chants traditionnels, les danses. Et ce sont des femmes qui apprennent aux jeunes, qui est en train de préparer la relève. Voyez-vous, c'est que il y a quelques années, on avait demandé au Conseil de la Nation Huron-Wendat d'engager une dame pour nous donner des cours d'anglais. OK. Et cette dame-là est arrivée chez nous à Wendake. Elle nous a donné des formations pendant 8 semaines. Et à la suite, on lui a offert une belle paire de mocassins en loup marin. Et la dame a accueilli le cadeau, puis il y avait les petites larmes qui coulaient sur les yeux. Alors j'ai dit, écoutez, faut pas pleurer, faut être contente. Et elle nous a dit, faut que je vous dise la vérité, c'est que je pensais que j'ai demandé que, ben dit, écoutez, je vais vous dire que finalement, elle nous a dit, elle a demandé s'il fallait emmener une couverture pour s'asseoir sur le sol. Okay. Si elle pouvait emmener des cahiers, des crayons, si on savait écrire et si on savait lire. Alors, j'ai écouté la dame parler, puis je me suis dit, non, à partir d'aujourd'hui, moi, ma mission que je me donne, c'est que les gens nous connaissent beaucoup mieux que ça. Parce qu'on est arrivé avec nos PC, avec nos ordinateurs, nos portables, le téléphone, on a un micro-ondes, on a une voiture, on a le garage, on a la maison. Alors, la dame était de Cap-Rouge. OK. Imaginez, c'est une voisine chez nous, ça, Cap-Rouge, hein? Oui, oui, c'est alors, à côté, si, là. Alors, si Cap-Rouge ne nous connaît pas, on va aller voir Cap-Rouge, puis ils vont nous connaître. Oui, effectivement. C'est la mission que je me suis donnée. Oui. Vous jouez du tambour, tambour sacré. Oui. En fait, le tambour chef sacré. Il y a plusieurs sortes de tambours. Il y a le tambour, le petit tambour à main, le petit tambour d'eau, qui est le tambour, le cœur de la nation. C'est un petit arbre qui est coupé, puis on met de l'eau à l'intérieur. Okay. Et puis, on met une peau par-dessus, et ça fait un son. Et il y a aussi le tambour and drum, qui est le modèle Abenaki. Okay. Puis, il y a aussi le tambour chef, et il y a aussi le tambour de Pawa. Okay. Alors, on joue avec ces quatre-là. Aujourd'hui, on a été demandé pour faire un 30 minutes. Alors, vous avez fait quoi exactement comme parce que ça a déjà été présenté, là. Vous l'avez présenté un petit fait, peu plus tôt. Oui, c'est fait, c'est terminé. Oui. On a choisi les chants traditionnels, les chants qu'on a appris quand on était jeune. Il y a 60 et... Ben, j'avais 6 ans. Là, 62 ans. On a appris, les femmes, les aînés chez nous, sont venues nous montrer nos chants, oui. Apprendre nos chants. Parfait. Alors, c'est maintenant la relève et on... On veut que les gens nous connaissent plus, qu'ils connaissent notre langue, parce qu'on a une revitalisation. Apprendre un peu à connaître un peu la culture. Oui, c'est ça, la pensée aborigène. Hein, oui, effectivement, qui est quand même différente de notre pensée à nous, là, sur certains aspects. Certains aspects. Oui, effectivement. Oui, ce qu'on va faire, c'est que... Parce que le temps file vite. Oui, je sais. Donc, on doit mettre fin à cette interview. Déjà? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire jouer un extrait de votre musique. Donc, les gens pourront se faire une idée, puis on les invite à aller vous visiter. Qu'on a fait tantôt. Oui, aller vous visiter dans la réserve. Vous allez faire jouer le chant qui est sur notre CD? Je ne sais pas, c'est un chant que vous nous avez envoyé. Donc, on verra. OK, c'est un chant qui est sur notre CD. OK, parfait. Un chant traditionnel. OK, alors Diane Picard, merci infiniment. Merci beaucoup, Tiawangua. Merci. Hane kuya ne kuya hanna he Oui, c'est déjà malheureusement la toute fin. On arrive à la fin de cette émission Sortie culturelle au Mondo Carnaval. Byron, on a fait quand même, je pense, un bon tour. Il nous en reste encore une interview. On a un invité ici, là, mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Hein, ah oui, ce qui c'est se passe sur super les... intéressant, fascinant d'écouter des gens venir d'un peu partout. Puis, juste d'être présent avec vous, j'ai appris plein de trucs, les petits détails de chaque région, des pays. Oui. Puis on a beaucoup à découvrir, oui, beaucoup à comprendre encore. Là, puis, c'est fascinant. Oui. Merci infiniment en fait, d'être resté avec nous pendant toute l'émission. Il vous reste encore un petit 5-6 minutes. Là, mais non, c'est bien. c'est un honneur, en fait. Je ne savais même pas que j'étais supposé d'être là. Mais j'ai trouvé ça... Vous avez eu la surprise. Oui, mais là, j'entends, je découvre en même temps, puis avec des gens super passionnés, intéressants. Donc c'est, oui, oui, puis là, on change complètement. Je ne sais pas, mais on change de région, on change de pays, on change d'univers. Nous terminons, j'allais dire, cette émission en beauté, je pense, avec la musique et la danse folklorique de l'île Maurice. Pour nous parler de cette danse de pays d'Afrique, je reçois un digne représentant, est-ce que je peux dire ça, de la troupe Mola Musique, Christian Vieilleuse, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux dire ça? J'espère que oui. J'espère qu'il sera digne. J'espère qu'il est digne. À quoi ça ressemble, la danse folklorique à l'île Maurice? La danse, c'est le séga. Hein. C'est une musique qui est originaire vraiment de l'époque de l'esclavage. Donc, c'est un peu la rencontre de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. C'est tous ces peuples qui se sont ramassés sur une île, finalement, graduellement, oui, et qui ont développé ce rythme et cette culture. Oui, parce que l'île Maurice... Oui, allez-y, Byron. Mais est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est pas loin de l'île Réunion? Parfait. Exactement. Oui. C'est ça, parce qu'on On appelle l'île Maurice et l'île de la Réunion les îles sœurs. OK, c'est bon, parce que la rythme, c'est quand tu as parlé, on a le prix avec les... on a donné un atelier sur le jazz manouche, puis il y avait un autre guitariste qui nous montrait, il était prof des rythmes, puis c'est complexe de comprendre les rythmes. Ah oui? Ben, oui, c'est même parce que les... C'est pas sur les temps habituels qu'on est habitué, puis c'est il faut être très très concentré. On était déstabilisé. Okay. Tout le monde dit ça, mais on s'adapte très facilement. Si vous venez demain à notre spectacle, après deux minutes, vous danserez les Swagas. Mais vous savez que c'est un virtuose de la guitare. Hein? Donc, ah oui? Oui, il fait du jazz manouche. Mais quand t'es habitué, c'est les accents sont dans une autre place. Ouais. Le rythme était fascinant parce qu'on était comme ouh, ok. Mais est-ce que on regardait les gars y aller, puis on a dit Kim, est-ce que vous l'avez expérimenté? On n'a pas mis dans la musique, mais il m'a fait penser qu'il faut y aller chercher ça. Content de voir que vous connaissez ça. Ça fait plaisir. Mais à quoi ça ressemble, la musique typique mauricienne, outre ce que Byron vient de dire? Ben c'est ça. Donc, c'est le séga. C'est un peu d'origine autant africaine qu'asiatique. Donc, il y a beaucoup d'influence de l'Asie, de l'Inde. Mais la base du rythme est vraiment africain. En fait, Shega était une musique qui vient d'Afrique il y a des siècles. Ouais, j'imagine que le métissage est alors très, très, très important, à la fois dans la musique et dans la danse typique mauricienne. Exactement. Oui. Autant dans la musique, dans la danse, que dans le peuple, que dans la culture, vu que c'est vraiment très multiculturel. Oui. Vous auriez des mosquées, des églises, des temples et des pagodes à un kilomètre carré à la ronde. Oui, c'est vraiment tout près un de l'autre. Disons que c'est mélangé. Okay. À quoi ça ressemble un spectacle de Mola Musique? Un spectacle de Mola Musique, je vous dirais que c'est très, très rythmé, bien sûr. Oui. Et c'est très dansant. D'ailleurs, on encourage ceux qui y participent, autant musiciens que spectateurs, à y prendre part, à danser et à s'amuser avec nous. Oui. Donc, c'est une musique très rythmée. On raconte un peu pendant le spectacle, avec les chansons, un petit peu l'histoire du pays, d'où ça vient, et cette rencontre de culture, finalement. J'ai l'impression que votre répertoire est vaste. J'ai regardé un petit peu des vidéos de vos spectacles. J'ai l'impression que votre répertoire est vaste. Est-ce qu'il est aussi vaste que j'en avais l'impression? Oui, il est très large. Vu que moi, la musique... tout en étant un groupe majoritairement mauricien, on a ouais. quand même des musiciens chiliens et québécois, québécoises dans le groupe. Ok, donc Byron pourrait en faire partie finalement. Ah, Byron serait tout un ajout. Tout un ajout. D'ailleurs, on en reparle après. Hein. Aller dans sa région-là, là, c'est, j'ai vraiment un connaisseur de la gastronomie. Ouais. Puis, il mélange deux choses qui vont à merveille ensemble, qui ici, on le voit rarement. Quand on était sur l'île, on va aller essayer de découvrir, on est juste à côté, c'est les, comme tu as dit, c'est les îles Sœurs. Mais sur l'île de Réunion, il y a une madame qui a inventé le canard à vanille. Puis c'est incroyable ah, oui? comme c'est bon. Oui, ah, c'est deux saveurs qui se mélangent à merveille. Puis il est en train de me faire revenir dans mes souvenirs. Tu connais vraiment ça. J'ai même appelé la madame parce que le restaurant était fermé. Puis j'ai demandé si elle peut l'ouvrir pour nous. Puis on a dit, on est une bonne gang, on va venir manger puis on va goûter ça. Alors, je suis désolé de vous interrompre, mais le temps file rapidement. J'aurais aimé qu'on en parle encore beaucoup plus. Mais je voulais juste mentionner que vous êtes en spectacle demain autour de 15h37 exact. Sur la scène numéro 1. Voilà. Donc, on invite les gens à aller vous voir. Voilà qui clôt notre émission spéciale sur le Mondo Carnaval. Dans un instant, suivra Musisol, animée par Ingrid Cabeza. Vraiment, merci infiniment, Byron Mikhailov. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Et plaisir. Moi, ma spécialité, c'est le théâtre et la danse, mais je suis prêt à vous inviter n'importe quand à mon émission. On pourra parler de théâtre, de danse, mais on pourra parler de musique aussi, puis on pourra parler peut-être un peu plus de jazz, manouche, de plein de choses ensemble. Merci infiniment. Merci à Flavia qui est avec nous. Merci à tous mes invités. Merci à vous. Merci à vous. On vous attend demain, donc. Ben oui, parfait. On va venir faire un tour. Alors, voilà qui clôt cette émission. Je vous invite à venir faire un tour ici même sur le site. C'est vraiment merveilleux. Vous pouvez en profiter. Il passe plein de choses. Il y a beaucoup de gens. On se retrouve, quant à moi, lundi pour ceux qui aiment le théâtre et la danse, parce que c'est mon domaine habituel. Bonne continuation à l'antenne de CKRL et à bientôt. Sortie culturelle au Mondo Carnaval vous a été présentée en direct du lieu historique national Quartier Brébeuf. CKRL 89.1 Québec. Vibrez au rythme de la francophonie à travers le monde du 1er au 3 septembre pour la 5e édition du Mondo Carnaval, culture en fête à Québec. Célébrez la musique des Caraïbes en compagnie des deux porte-paroles Flavia Nascimento et Byron Mikhailov et des invités d'honneur de plusieurs pays. Voyez les spectacles de musique à l'extérieur et en salle, le chapiteau des cultures, le marché du monde, le triptyque de la diversité et beaucoup plus. Participez au défi carnavalesque le 1er septembre sur la 3e avenue. Une foule d'activités gratuites pour toute la famille en plein cœur de Limoilou. Programmation complète sur mondocarnaval.com.